Élisabeth ou les exilés de Sibérie. La ville de Tobolsk, capitale de la Sibérie, est située sur les rives de l'Irtych. Au nord, elle est entourée d'immenses forêts qui s'étendent jusqu'à la mer glaciale. Dans cet espace de 1100 verstes, on rencontre des montagnes arides, rocailleuses et couvertes de neige éternelle, des plaines incultes, dépouillées, où dans les jours les plus chauds de l'année, la terre ne dégèle pas à un pied. De tristes et larges fleuves, dont les eaux glacées n'ont jamais arrosé une prairie, ni vu épanouir une fleur. En avançant davantage vers le pôle, les cèdres, les sapins, tous les grands arbres disparaissent. Des broussailles de mélèzes rampants et des bouleaux nains deviennent le seul ornement de ces misérables contrées. Enfin, des marais chargés de mousse se montrent comme le dernier effort d'une nature expirante, après quoi toute la trace de végétation disparaît. Néanmoins, c'est là qu'au milieu des horreurs, d'un éternel hiver, la nature a encore des pompes magnifiques. C'est là que les aurores boréales sont fréquentes et majestueuses, et qu'embrassant l'horizon en forme d'arc très clair, d'où partent des colonnes de lumière mobiles, elles donnent à ces régions hyperborées des spectacles dont les merveilles sont inconnues aux peuples du Midi. Au sud de Tobolsk s'étend le cercle d'Ishim. Des landes parsemées de tombeaux et entrecoupées de lacs amers les séparent des Kirghiz, peuple nomade et idolâtre. À gauche, il est borné par l'Irtych, qui va se perdre après de nombreux détours sur les frontières de la Chine, et à droite par le Tobol. Les rives de ce fleuve sont nues et stériles. Elles ne présentent à l'œil que des fragments de rocs brisés, entassés les uns sur les autres, et surmontés de quelques sapins. À leurs pieds, dans un angle du Tobol, on trouve le village domanial de Saïmka. Sa distance de Tobolsk est de plus de 600 verstes. Placé jusqu'à la dernière limite du cercle, au milieu d'un pays désert, tout ce qui l'entoure est sombre comme son soleil et triste comme son climat. Cependant, le cercle d'Ishim est surnommé l'Italie de la Sibérie, parce qu'il y a quelques jours d'été et que l'hiver n'y dure que 8 mois. Mais il y est d'une rigueur extrême. Le vent du nord, qui souffle alors continuellement, arrive chargé des glaces des déserts arctiques, et en apporte un froid si pénétrant et si vif que dès le mois de septembre, le Tobol charrie des glaces. Une neige épaisse tombe sur la terre et ne la quitte plus qu'à la fin de mai. Il est vrai qu'alors, quand le soleil commence à la fondre, c'est une chose merveilleuse que la promptitude avec laquelle les arbres se couvrent de feuilles et les champs de verdure. 2 ou 3 jours suffisent à la nature pour faire épanouir toutes ces fleurs. On croirait presque entendre le bruit de la végétation. Les chatons des bouleaux exhalent une odeur de rose. Le sitis velu s'empare de tous les endroits humides, des troupes de cigognes, de canards tigrés, d'oies du nord, se jouent à la surface des lacs. La grue blanche s'enfonce dans les roseaux des marais solitaires, pour y faire son nid, qu'elle natte industrieusement avec de petits joncs. Et dans les bois, l'écureuil volant, sautant d'un arbre à l'autre, et fendant l'air à l'aide de ses pattes et de sa queue chargée de laine, va ronger les bourgeons de pin et le tendre feuillage des bouleaux. Ainsi, pour les êtres animés, qui peuplent ces froides contrées, il est encore d'heureux jours. Mais pour les exilés qui les habitent, il n'en est point. La plupart de ces infortunés demeurent dans les villages qui bordent le fleuve, depuis Tobolsk jusqu'aux limites du cercle d'Ishim. D'autres sont relégués dans des cabanes au milieu des champs. Le gouvernement fournit à la nourriture de quelques-uns. Ceux qui l'abandonnent vivent de leur chasse d'hiver. Presque tous sont, en ces lieux, l'objet de la piété publique, et n'y sont désignés que par le nom de malheureux. À 2 ou 3 verstes de Saïmka, au milieu d'une forêt marécageuse et remplie de flaques d'eau, sur le bord d'un lac circulaire, profond et bordé de peupliers noirs et blancs, habitait une famille d'exilés. Elle était composée de 3 personnes, d'un homme de 45 ans, de sa femme et de sa fille, belle, et dans toute la fleur de la jeunesse. Renfermée dans ce désert, cette famille n'avait de communication avec personne. Le père allait tout seul à la chasse. Jamais il ne venait à Saïmka. Jamais on n'y avait vu ni sa femme ni sa fille. Or, une pauvre paysanne tartare qui les servait, nul être au monde ne pouvait entrer dans leur cabane. On ne connaissait ni leur patrie, ni leur naissance, ni la cause de leur châtiment. Le gouverneur de Tobolsk en avait seul le secret, et ne l'avait pas même confié au lieutenant de sa juridiction établi à Saïmka. En mettant ses exilés sous sa surveillance, il lui avait seulement recommandé de leur fournir un logement commode, un petit jardin, de la nourriture et des vêtements, mais d'empêcher qu'ils n'eussent aucune communication au dehors, et surtout d'intercepter sévèrement toutes les lettres qu'il hasarderait de faire passer à la cour de Russie. Tant d'égards d'un côté, et de l'autre tant de rigueur et de mystère, faisaient soupçonner que le simple nom de Pierre Springer, qu'on donnait à l'exilé, cachait un nom plus illustre, une infortune éclatante, un grand crime peut-être, ou peut-être une grande injustice. Mais tous les efforts pour pénétrer ce secret ayant été inutiles, bientôt la curiosité s'éteignit, et l'intérêt avec elle. On cessa de s'occuper d'infortunés qu'on ne voyait point, et on finit même par les oublier tout à fait. Seulement, lorsque quelques chasseurs se répandaient dans la forêt et parvenaient jusque sur les bords du lac, s'ils demandaient le nom des habitants de cette cabane, « Ce sont des malheureux », leur répondait-on. Alors ils n'en demandaient pas davantage, et s'éloignaient, émus de pitié, en se disant au fond du cœur « Dieu veuille les rendre un jour à leur patrie ». Pierre Springer avait bâti lui-même sa demeure. Elle était en bois de sapin et couverte de paille. Des masses de rochers la garantissaient des rafales du vent du nord et des inondations du lac. Ces roches d'un granit tendre réfléchissaient en s'exfoliant les rayons du soleil. Dans les premiers jours du printemps, on voyait sortir de leurs fentes des familles de champignons, les uns d'un rose pâle, les autres couleur de soufre ou d'un bleu azuré, pareil à ceux du lac Baïkal. Et dans les cavités où les ouragans avaient jeté un peu de terre, des jets de pin et de sorbier s'empressaient d'enfoncer leurs racines et d'élever leurs jeunes rameaux. Du côté méridional du lac, la forêt n'était plus qu'un taillis clairsemé, qui laissait apercevoir des landes immenses couvertes d'un grand nombre de tombeaux. Plusieurs avaient été pillés, et des ossements de cadavres étaient épars tout autour, reste d'une ancienne peuplade, qui serait demeurée éternellement dans l'oubli, si des bijoux d'or enfermés avec elle au sein de la terre n'avaient révélé son existence à l'avarice. À l'est de cette grande plaine, une petite chapelle de bois avait été élevée par des chrétiens. On remarquait que de ce côté, les tombeaux avaient été respectés, et que devant cette croix qui rappelle toutes les vertus, l'homme n'avait point osé profaner la cendre des morts. C'est dans ces landes, ou steppes, nom qu'elle porte en Sibérie, que durant le long et rude hiver de ce climat, Pierre Springer passait toutes ses matinées à la chasse. Il tuait des élans qui se nourrissent des jeunes feuilles de tremble et de peupliers. Il attrapait quelquefois des martres zibelines, assez rares dans ce canton, et plus souvent des hermines, qui y sont en grand nombre. Du prix de leur fourrure, il faisait venir de Tobolsk des meubles commodes et agréables pour sa femme, et des livres pour sa fille. Les longues soirées étaient employées à l'instruction de la jeune Élisabeth. Souvent, assise entre ses parents, elle leur lisait tout haut des passages d'histoire. Springer attirait son attention sur tous les traits qui pouvaient élever son âme, et sa mère, Fedora, sur tous ceux qui pouvaient l'attendrir. L'un lui montrait toute la beauté de la gloire et de l'héroïsme, l'autre tout le charme des sentiments pieux et de la bonté modeste. Son père lui disait ce que la vertu a de grand et de sublime, sa mère ce qu'elle a de consolant et d'aimable. Le premier lui apprenait comment il la faut révérer, celle-ci comment il la faut chérir. De ce concours de soins, il résulta un caractère courageux, sensible, qui, réunissant l'extraordinaire énergie de Springer à l'angélique douceur de Fedora, fut tout à la fois noble et fier, comme tout ce qui vient de l'honneur, et tendre et dévoué, comme tout ce qui vient de l'amour. Mais quand les neiges commençaient à fondre, et qu'une légère teinte de verdure s'étendait sur la terre, alors la famille s'occupait en commun des soins du jardin. Springer labourait les plates-bandes, Fedora préparait les semences, et Élisabeth les confiait à la terre. Leur petit enclos était entouré d'une palissade d'aunes, de cournouillers blancs et de bourdaines, espèce d'arbrisseau fort estimé en Sibérie, parce que sa fleur est la seule qui exhale quelques parfums. Au midi, Springer avait pratiqué une espèce de serre, où il cultivait avec un soin particulier certaines fleurs inconnues à ce climat. Et quand venait le moment de leur floraison, il les pressait contre ses lèvres. Il les montrait à sa femme et en ornait le front de sa fille en lui disant « Élisabeth, pare-toi des fleurs de ta patrie. Elles te ressemblent, comme toi, elles s'embellissent dans l'exil. Ah, puisses-tu n'y pas mourir comme elles ?» Or, ces instants d'une douce émotion, il était toujours silencieux et grave. On le voyait demeurer des heures entières, enseveli dans une profonde rêverie, assis sur le même banc, les yeux tournés vers le même point, poussant de profonds soupirs, que les caresses de sa femme ne calmaient pas, et que la vue de sa fille rendait plus amère. Souvent, il la prenait dans ses bras, la pressait étroitement sur son cœur, et puis, tout à coup, la rendant à sa mère, il s'écriait « Emmène, emmène cet enfant, Fedora. Sa détresse, la tienne, me feront mourir. Ah, pourquoi as-tu voulu me suivre? Si tu m'avais laissé seul ici, si tu ne portais pas la moitié de mes maux, je te savais tranquille et honoré dans ta patrie. Il me semble que je vivrais dans ce désert sans me plaindre. » À ces mots, la tendre Fedora fondait en larmes. Ses regards, ses paroles, ses actions, tout en elle décelait le profond amour qui l'attachait à son époux. Elle n'aurait pu vivre un seul jour loin de lui, ni se trouver malheureuse, quand ils étaient toujours ensemble. Dans leur ancienne fortune, peut-être, que de grandes dignités, d'illustres et dangereux emplois, le tenaient souvent éloigné d'elle. Dans l'exil, ils ne se quittaient plus. Ah, si elle avait pu ne pas s'affliger du chagrin de son époux, peut-être aurait-elle aimé leur exil. Fedora, quoique âgée de plus de 30 ans, était belle encore, également dévouée à son époux, à sa fille et à son dieu. Ses trois amours avaient gravé sur son front des charmes que le temps n'efface point. On y lisait qu'elle avait été créée pour aimer avec innocence, et qu'elle remplissait sa destinée. Elle s'occupait à préparer elle-même les mets qui plaisaient le plus à son époux. Attentive à ses moindres désirs, elle cherchait dans ses yeux ce qu'il allait vouloir, pour l'avoir fait avant qu'il l'eût demandé. L'ordre, la propreté, l'aisance même régnaient dans leur petite demeure. La plus grande pièce servait de chambre aux deux époux, un grand poêle les chauffait. Les murs enfumés étaient ornés de quelques broderies et de divers dessins de la main de Fedora et de sa fille. Les fenêtres étaient en carreaux de verre, luxe assez rare dans ce pays, et qu'on devait aux produits des chasses de Springer. Deux cabinets composaient le reste de la cabane. Élisabeth couchait dans l'un, l'autre était occupée par la jeune paysanne Tartare, et par tous les ustensiles de cuisine et les instruments du jardinage. Ainsi, la semaine se passait dans ses soins intérieurs, soit à tisser des étoffes avec des peaux de renne, ou à les doubler avec d'épaisses fourrures. Mais quand le dimanche arrivait, Fedora soupira tout bas de ne pouvoir assister à l'office divin, et passait une partie de ce jour en prière. Prosternée devant Dieu et devant une image de Saint Basile, pour lequel elle avait une profonde vénération, elle les invoquait en faveur des objets de sa tendresse. Et si chaque jour sa dévotion devenait plus vive, c'est qu'elle avait toujours éprouvé qu'à la suite de ses pieux exercices, son cœur plus éloquent savait mieux trouver les pensées et les expressions qui pouvaient consoler son époux. Élevée dans ces bois sauvages depuis l'âge de 4 ans, la jeune Élisabeth ne connaissait point d'autre patrie. Elle trouvait dans celle-ci de ses beautés que la nature offre encore même dans les lieux qu'elle a le plus maltraités, et de ses plaisirs simples que les cœurs innocents goûtent partout. Elle s'amusait à grimper sur les rochers qui bordaient le lac, pour y prendre des œufs d'épervier et de vautours blancs, qui font leur nid pendant l'été. Souvent, elle attrapait des ramiers au filet, et en remplissait une volière. D'autres fois, elle prenait des corassins, qui vont par bandes et dont les écailles pourprées, collées les unes contre les autres, paraissaient à travers les eaux du lac comme des couches de feu recouvertes d'un argent liquide. Jamais durant son heureuse enfance, il ne lui vint dans la pensée qu'il pouvait y avoir un sort plus fortuné que le sien. Sa santé se fortifiait par le grand air, sa taille se développait par l'exercice, et sur son visage, où reposait la paix de l'innocence, on voyait chaque jour naître un agrément de plus. Ainsi, loin du monde et des hommes, croissait en beauté cette jeune vierge pour les yeux seuls de ses parents, pour l'unique charme de leur cœur, semblable à la fleur du désert, qui ne s'épanouit qu'en présence du soleil et ne se pare pas moins de vives couleurs, quoiqu'elle ne puisse être vue que par l'astre à qui elle doit la vie. Il n'y a d'affections tendres et profondes que celles qui se concentrent sur peu d'objets. Aussi, Élisabeth, qui ne connaissait que ses parents et n'aimait que seule dans le monde, les aima avec passion. Ils étaient tout pour elle, les protecteurs de sa faiblesse, compagnons de ses jeux, et son unique société. Elle ne savait rien qu'ils ne lui eussent appris. Ses amusements, ses talents, son instruction, elle leur devait tout. Et voyant que tout lui venait d'eux, et que par elle-même elle ne pouvait rien, elle se plaisait dans une dépendance qu'ils ne lui faisaient sentir que par des bienfaits. Cependant, quand la jeunesse succéda à l'enfance, et que la raison commença à se développer, elle s'aperçut des larmes de sa mère, et vit que son père était malheureux. Plusieurs fois, elle les conjura de lui en dire la cause, et ne put en obtenir d'autre réponse, sinon qu'ils pleuraient leur patrie. mais pour le nom de cette patrie et le rang qu'ils y occupaient, ils ne lui confièrent jamais, ne voulant pas exciter de douloureux regrets dans son âme, en lui apprenant de quelle hauteur ils avaient été précipités dans l'exil. Mais depuis le moment qu'Élisabeth eut découvert la tristesse de ses parents, ses pensées ne furent plus les mêmes, et sa vie changea entièrement. Les plaisirs dont elle amusait son innocence perdirent tout leur attrait. Sa basse-cour fut négligée. Elle oublia ses fleurs et cessa d'aimer ses oiseaux. Quand elle venait sur le bord du lac, ce n'était plus pour jeter la meçon ou naviguer dans sa petite nacelle, mais pour se livrer à de longues méditations et réfléchir à un projet qui était devenu l'unique occupation de son esprit et de son cœur. Quelquefois, assise sur la pointe d'un rocher, les yeux fixés sur les eaux du lac, elle songeait aux larmes de ses parents et aux moyens de les tarir. Ils pleuraient une patrie. Élisabeth ne savait point quelle était cette patrie, mais puisqu'ils étaient malheureux loin d'elle, ce qui lui importait était bien moins de la connaître que de la leur rendre. Alors elle levait les yeux au ciel pour lui demander du secours, et demeurait abîmée dans une si profonde rêverie que souvent la neige tombant par flocons et le vent soufflant avec violence ne pouvait l'en arracher. Cependant ses parents l'appelaient-ils, aussitôt elle entendait leur voix, descendait légèrement du sommet des rochers, et venait recevoir les leçons de son père, et aider sa mère aux soins du ménage. Mais auprès d'eux comme en leur absence, en s'occupant d'une lecture comme en tenant l'aiguille, dans le sommeil comme dans la veille, une seule et unique pensée la poursuivait toujours. Elle la gardait religieusement au fond de son cœur, décidée à ne la révéler que quand elle serait au moment de partir. Oui, elle voulait partir. Elle voulait s'arracher des bras de ses parents pour aller seule à pied jusqu'à Pétersbourg, demander la grâce de son père. Tel était le hardi dessein qu'elle avait conçu. Telle était la téméraire entreprise dont ne s'effrayait point une jeune fille timide. En vain, elle entrevoyait de grands obstacles. La force de sa volonté, le courage de son cœur et sa confiance en Dieu la rassuraient et lui répondaient qu'elle triompherait de tout. Cependant, quand son projet prit un caractère moins vague et qu'elle cessa d'y réfléchir pour songer à l'exécuter, son ignorance l'effraya un peu. Elle ne savait seulement pas la route du village le plus voisin. Elle n'était jamais sortie de la forêt. Comment trouverait-elle son chemin jusqu'à Pétersbourg? Comment se ferait-elle entendre en voyageant au milieu de tant de peuples dont la langue lui était inconnue? Il lui faudrait toujours vivre d'aumône. Pour s'y résoudre, elle appelait à son aide l'humilité qu'elle tenait de la religion de sa mère. Mais elle avait si souvent entendu son père se plaindre de la dureté des hommes qu'elle appréhendait beaucoup le malheur d'avoir à solliciter leur pitié. Elle connaissait trop la tendresse de ses parents pour se flatter qu'ils féliciteraient son départ. Ce n'était pas à eux qu'elle pouvait avoir recours, mais à qui s'adresser dans ce désert où elle vivait séparée du reste du monde? Et dans cette cabane, dont l'entrée était interdite à tous les humains, comment attendre un appui? Cependant, elle ne désespéra pas d'en trouver un. Le souvenir d'un accident dont son père avait pensé être la victime lui rappela qu'il n'est point de lieu si sauvage où la Providence ne puisse entendre les prières des malheureux et leur envoyer des secours. Il y avait quelques années que, dans une chasse d'hiver, sur le haut des âpres rochers qui bordent le Tobol, Springer avait été délivré d'un péril imminent par l'intrépidité d'un jeune homme. Ce jeune homme était le fils de M. de Smoloff, gouverneur de Tobolsk. Il venait tous les hivers poursuivre les élans et les martres dans les landes d'Ichim et combattre l'ours des monts Ourals dans les environs de Saïmka. C'est dans cette dernière chasse, la plus dangereuse de toutes, qu'il avait rencontré Springer et qu'il lui avait sauvé la vie. Depuis ce moment, le nom de Smoloff n'était prononcé dans la demeure des exilés qu'avec respect et reconnaissance. Élisabeth et sa mère regrettaient vivement de ne point connaître leur bienfaiteur, de ne pouvoir point lui offrir leur bénédiction. Chaque jour, elles priaient le ciel pour lui. Chaque année, quand elles entendaient dire que les chasses d'hiver avaient recommencé, elles se flattaient qu'il viendrait peut-être dans leur cabane. Mais il n'y venait point. L'entrée lui en était interdite, comme à tout le monde, et il ne songeait point à trouver cet ordre rigoureux, car il ne savait pas encore ce que renfermait cette cabane. Cependant, depuis qu'Élisabeth avait senti la difficulté de sortir de son désert sans un secours humain, sa pensée se reportait plus souvent sur le jeune Smoloff. Un pareil protecteur l'aurait délivré de toutes ses craintes, au relevé et tous les obstacles. Qui mieux que lui pouvait l'éclairer sur les détails de la route de Saïmka à Pétersbourg, lui indiquer la plus sûre voie de faire passer une requête à l'empereur? Et si sa fuite irritait le gouverneur de Tobolsk, qui mieux qu'un fils, disait-elle, saura désarmer sa colère émouvoir sa pitié et l'empêcher de punir mes parents, en les rendant responsables de ma faute. C'est ainsi qu'elle calculait tous les avantages qui lui reviendraient d'un semblable appui. Et en voyant l'hiver s'approcher, elle résolut de ne pas laisser passer le temps des chasses sans s'informer si le jeune Smoloff était dans le canton, et sans chercher les moyens de le voir et de lui parler. Springer avait été si touché des terreurs de sa femme et de sa fille, au récit des dangers qu'ils avaient courus, que depuis cette époque, il leur avait promis de ne plus retourner à la chasse aux ours, et de ne s'écarter de la forêt que pour poursuivre l'écureuil et l'hermine. Malgré cette promesse, Fedora ne pouvait plus le voir s'éloigner sans effroi, et jusqu'à son retour, elle demeurait inquiète et tremblante, comme si cette absence eût été le présage d'un grand malheur.